avant minuit et ressuscite pour le lendemain à l'heure du dernier magasin, dernier métro de mes soucis. Je meurs tous les soirs mais sans souffrance, pas tant de mort dans les idées, ça vous fait vivre en pointillé et je cherche une convalescence. Je meurs tous les soirs en bonne santé pour des chimères inefficaces. La mort c'est plus que c'est coriace lorsque c'est une spécialité. On me sert la mort sur un plateau avec l'assassin de service et des sentiments d'artifice qui ne durent jamais qu'un lever de rideau. Meurs tous les soirs sous les sunlight, 100 000 témoins très anonymes. Cherche minuit à l'heure du crime et la victime dans un entrave. Pour moi, même les soirs de première sont les derniers instants de ma vie. Mon générique est une sortie où je retourne à la poussière. Je meurs tous les soirs de morts étranges pour des racines ou des Shakespeare qui ne m'ont jamais vu mourir. Qui peut dire ça les dérange. Je vis des morts de carton pâte, qu'on meure en vers, qu'on meure en prose. Faut bien mourir de quelque chose, qu'importe le lieu, l'heure ou la date. Meurs tous les soirs, puis 40 ans, un bail d'agonie sur la gueule. Au fond, c'est tout ce qu'un mort est seul, même avec des applaudissements. Quand je passerai dans le champ des souvenirs, au dernier rôle du répertoire, moi qui suis mort plus de 100 000 soirs, je ne suis pas sûr de bien mourir. Je meurs tous les soirs, mais sans surprise, avec parfois des mots d'auteur, mais saurais-je être à la hauteur quand il faudra que j'improvise. Lorsque fatigué de mourir, je mourrai ma dernière sieste. Saurais-je avoir le mot, le geste pour être sûr de réussir cette ultime sortie, cette ultime sortie.